Chapitre 10 Rechute de Gisèle. Je viens savoir de tes nouvelles, Léontine, dit Pierre en entrant le lendemain dans l'après-midi chez sa sœur. Léontine l'embrassant. Elles sont excellentes, mon amie. Gisèle est charmante. Elle obéit au premier mot. Elle a un air doux et heureux que je ne lui ai pas vu depuis longtemps. Victor est enchanté. Il s'attendait à être grondé hier soir en rentrant, mais, au premier mot d'explication, je lui ai fermé la bouche en l'embrassant. « Merci, ma bonne Léontine, m'a-t-il dit. J'ai fait une sottise. Tu ne me reproches pas et certainement je ne la recommencerai plus. Je suis heureuse aujourd'hui. Dieu veuille que Gisèle ne trouble pas ce calme dont je jouis si rarement. Pierre, le bon Dieu t'exaucera, chère Léontine. Si tu mets en pratique l'excellent proverbe, aide-toi, le ciel t'aidera. » Léontine, et toi aussi tu m'aideras, mon bon Pierre. Je suis si faible, j'ai besoin d'être soutenue pour lutter contre Gisèle et contre Victor. Pierre, et contre toi-même, pauvre sœur. Je viens te dire que d'après le succès de notre soirée d'hier, nous avons décidé, Noémie et moi, que notre fête dans le jardin aurait lieu dans 8 jours. Le temps est au beau, Gisèle aussi. Profitons-en pour la raffermir dans ses bonnes résolutions. Noémie te demande de venir l'aider dans ses arrangements de fleurs, de meubles, pour ses commandes de gâteaux, de glaces, etc., pour son dîner de 50 couverts, et afin pour tous les préparatifs de la fête. Elle compte sur ton bon goût et sur tes idées toujours heureuses dans ce genre d'arrangement. Léontine, veux-tu que j'y aille de suite avec toi ? Pierre, certainement, je t'enlève, jusqu'au dîner. Léontine, très bien, Gisèle a fini ses leçons, elle est sortie avec sa bonne. Son père l'attend aux Champs-Élysées pour la mener au jardin d'acclimatation. Ils en ont jusqu'au dîner. La porte s'ouvrit. La bonne entra. Léontine. Comment, Émilie ? Vous n'êtes pas sortie avec Gisèle ? Je vous croyais partie depuis 3/4 d'heure. La bonne. Je viens chercher madame pour décider mademoiselle Gisèle à s'habiller. Nous sommes en querelle depuis qu'elle a quitté madame. Léontine. En querelle ? À propos de quoi ? La bonne. Parce que mademoiselle veut mettre sa belle robe de soie bleue et son chapeau de paille de riz garni de fleurs roses. J'ai beau lui dire que c'est trop élégant pour une simple promenade au jardin d'acclimatation, que sa belle toilette serait fanée et salie peut-être. Elle ne veut pas m'écouter, elle se fâche, elle pleure, et je viens chercher madame car je n'en puis venir à bout. Léontine était consternée. Léontine, Pierre, que dois-je faire ? Mon Dieu, comme mon bonheur a peu duré. Pierre, ne te décourage pas, ma pauvre Léontine. « Crois-tu que Gisèle puisse être corrigée en une journée de ses vieilles habitudes de révolte et d'entêtement ? Il faut du temps et de la fermeté. Ne cède pas, elle cédera. Va la voir, parle doucement mais sérieusement. Qu'elle voie que ta volonté est plus forte que la sienne. » Léontine. « Pierre, viens avec moi, je t'en prie. Ta présence me donnera du courage. » Pierre. « Très volontiers, cher ami. Use de moi tant que tu voudras. » Léontine, suivie de Pierre, entra chez Gisèle. Elle était assise sur le plancher, en jupon, sans brodequin, nu-bras, les cheveux emmêlés, les yeux étincelants, les joues rouges, portant sur son visage l'expression d'une colère prête à faire explosion. Léontine et Pierre se placèrent devant elle. « Mon oncle !» s'écria Gisèle. « Toujours mon oncle !» Léontine. « Oui, Gisèle, ton oncle, qui vient t'annoncer une fête qu'il veut nous donner jeudi prochain. Une fête très amusante, avec une loterie, un guignol, un bal, etc. Mais je crains que tu ne puisses pas y aller. « Pourquoi cela, maman ? » dit Gisèle d'un air un peu effrayé. Sa colère était passée. Léontine. « Parce que tu recommences tes méchancetés. Parce que tu ne veux pas obéir à ta bonne. Parce que par ton entêtement à mettre une toilette qui te donnerait l'air d'une folle, tu fais attendre ton pauvre papa. » Gisèle. « Oh, papa, il peut bien attendre. Il s'amuse à voir passer les voitures. » Léontine. « Ce n'est pas poli ce que tu dis là pour papa. » Je viens te faire savoir que tu mettras la robe et le chapeau que tu mets tous les jours, ou bien que tu ne verras pas la fête de ton oncle. Choisis, et dépêche-toi pour partir bien vite. » Gisèle ne dit rien, seulement elle se leva et alla prendre la robe préparée par la bonne. Léontine voulut l'embrasser, mais Gisèle détourna la tête et sortit sans regarder personne. Léontine restait immobile, pensive et triste. Pierre la laissa réfléchir. Mais quand il vit une larme perler dans ses yeux, il lui prit les mains, l'embrassa et lui dit « Tu as très bien mené l'affaire, ma bonne Léontine, très habilement. Tu as présenté la fête comme appât pour faire passer la colère et pour te faire obéir. Tu as parlé avec fermeté, aussi as-tu réussi mieux et plus vite que je n'osais l'espérer. » Léontine, tu trouves, Pierre ? Tu n'as donc pas vu comme elle m'a repoussé quand j'ai voulu l'embrasser ? Pierre, je l'ai très bien vu et je m'y attendais. Il était difficile qu'il en fût autrement. Elle se voyait obligée de céder sur tous les points. Elle n'a pas même essayé de te résister. Évidemment, elle a dû souffrir dans son orgueil et dans sa nature violente. Mais ce n'est rien du tout, cela. Ne t'en inquiète pas. Et quand je te dis que tu as remporté une victoire complète, tu peux me croire. Tu dois espérer, au contraire, que l'avenir ne sera pas sombre comme nous le redoutions hier encore. Léontine, tu trouves toujours moyen de me consoler, mon bon Pierre. Pierre, parce que je te connais si bien, je devine si bien tes côtés faibles, tes impressions, tes découragements. La grande amitié que j'ai pour toi me rend clairvoyant. Léontine, et moi, mes affections me rendent aveugle. Voilà la différence. Pierre, tu commences à y voir clair, et moi je commence à craindre que nous n'arrivions trop tard chez Noémie. Léontine, tu as raison, je cours chercher mon chapeau, mes gants, et je suis à toi. Léontine, qui avait repris son calme, revint, après quelques instants, prête à partir. La visite à Noémie fut très utile. Laurence et Blanche furent appelées pour prendre part au conseil. Tout fut convenu, et Pierre fut chargé de courir les magasins avec Blanche pour les objets à mettre en loterie. Chaque enfant devait gagner 2 lots et on arrangea la distribution des billets de loterie de manière à ce que chacun eût ses 2 lots. Quand Léontine rentra, elle trouva Gisèle dans le salon de fort mauvaise humeur. Elle n'avait pas trouvé son père aux Champs-Élysées. Elle n'avait rencontré aucune de ses amies et elle avait été tout le temps en querelle avec sa bonne. Léontine. « Eh bien, Gisèle, as-tu trouvé ton père ?» Gisèle. « Certainement, non. Ma bonne m'avait fait perdre 1 heure en refusant de m'habiller. » Léontine. « C'est-à-dire que c'est toi qui refusais de t'habiller. » Gisèle. « Ce n'est pas vrai. » Léontine. « Gisèle, ce n'est pas poli de me répondre comme tu le fais. Tu étais si gentille ce matin, ma petite chérie, et j'étais si contente. Je t'en prie, cher enfant, ne recommence pas les scènes de ces derniers jours. Ne pense plus à ton caprice de robe bleue et reprends ta gentille petite figure de ce matin. » Gisèle ne répondit pas, elle boudait. Monsieur de Gerville entra, Gisèle courut à lui. « Monsieur de Gerville. « Te voilà, mon cher amour. Pourquoi n'es-tu pas venu aux Champs-Élysées ? Je t'y ai attendu plus 1 heure. » Gisèle. « Parce qu'on n'a pas voulu m'y mener à temps pour vous trouver. » Monsieur de Gerville vivement. « On n'a pas voulu ?» Monsieur de Gerville jette sur Léontine un regard mécontent. « Est-ce vous, Léontine, qui avez empêché cette pauvre petite de sortir ?» Léontine. « Non, c'est elle-même qui s'est entêtée à ne pas vouloir s'habiller. » Monsieur de Gerville. « Mais puisqu'elle dit qu'on n'a pas voulu la mener ?» Léontine. La bonne voulait l'habiller convenablement. Gisèle voulait se mettre ridiculement. Quand on est venu me chercher, elle avait perdu 1 heure à disputer avec sa bonne. Monsieur de Gerville avec humeur. Cette Émilie est insupportable. Vous lui laissez trop d'autorité, Léontine. Léontine. Mais mon amie, elle n'en a pas assez. Au contraire, c'est Gisèle qui est insupportable avec sa bonne et qui ne lui obéit en rien. Monsieur de Gerville. Vous êtes aimable pour votre enfant. Gisèle. Maman ne m'aime plus du tout. Elle écoute mon oncle Pierre qui est venu avec maman pour me forcer à mettre une vieille horrible robe. Je suis bien malheureuse, papa, quand vous n'y êtes pas. » Monsieur de Gerville la saisissant dans ses bras. « Ma pauvre chère enfant, je ne te quitterai plus. Je te suivrai partout. On n'osera pas te rendre malheureuse devant moi, j'espère. Mais dites-moi, Léontine, pourquoi votre frère se mêle-t-il de l'éducation de Gisèle ? Est-ce que je m'occupe de ses enfants ? Je les trouve pourtant insupportables. Et je ne me permets pas de les gronder et de les chasser, encore moins de les battre et de les garrotter. » Léontine, tristement. « Pierre ne s'en mêle que lorsque je le lui demande, mon ami, et il fait du bien à Gisèle en soutenant mon courage contre ses caprices. » Monsieur de Gerville. « Je ne veux plus de cela, moi, parce qu'il est dur comme un arabe pour ses enfants. Il est choqué de voir Gisèle traitée avec humanité par vous, et il veut la mettre au régime du fouet, des pénitences et des gronderies. Dites-lui, Léontine, ce soir même, que je le prie de ne pas s'occuper de ma fille. » Léontine. « Dites-le vous-même, Victor. « Je ne me charge pas de votre commission. Et toi, Gisèle, souviens-toi que pour aller à la fête que ton oncle veut bien te donner, il faut que tu sois sage, ainsi que je t'engage à devenir douce, polie et obéissante. » Gisèle. « Papa m'y mènera, si vous ne voulez pas me mener. N'est-ce pas, mon cher petit papa, que vous ne laisserez pas votre petite Gisèle pleurer à la maison pendant que maman dansera et s'amusera comme elle a fait hier ?» Monsieur de Gerville. « Non, mon cher amour, non. Je te mènerai partout où on s'amuse et je te ferai danser tant que tu voudras. » Léontine avait pris le parti de ne plus répondre aux impertinences de Gisèle et aux injustes accusations de son mari. « Pauvre Gisèle, pensait-elle, comme sa sagesse a peu duré. Quel dommage. Elle était si bonne et si gentille jadis,